Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui pousse à migrer du Mexique aux États-Unis, s'interroge François Héran. Pourquoi migre-t-on et pourquoi ne migre-t-on pas? Quels sont alors les facteurs les plus agissants dans le projet de migrer? Comment les différents modèles qui concernent les théories de la migration passent-ils l'épreuve du terrain? Agrégée de philosophie, longtemps démographe sociologue à l'INSEE et l'INED, François Héran, titulaire de la chaire Migration et Société, se partage entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration. Dans le cadre de sa dernière série « Pourquoi migrer ?», il a proposé d'interroger les facteurs déterminants des migrations grâce à une lecture critique des différentes théories de la migration à partir de la synthèse du rapport Massé, publié dans les années 1990. Aujourd'hui, le coup de projecteur est braqué sur les migrations entre le Mexique et les États-Unis. Dans une interview donnée au journal du CNRS, François Héran rappelait en décembre 2018 que le plus important couloir de migration est de loin celui qui va du Mexique aux États-Unis. 12 millions d'immigrés mexicains sont aujourd'hui présents sur le sol états-unien. Les États-Unis restent le pays le plus attractif au monde. Ils accueillent également des diasporas considérables de Chinois, de Philippins, d'Indiens ou de Portoricains. Ces derniers cours, nous nous sommes familiarisés avec les travaux du grand démographe américain, spécialiste de la migration mexicaine, Douglas Massé, qui se distingue par le fait qu'il a étudié le phénomène migratoire depuis le pays de départ, donc le Mexique, alors que les études portaient en général sur les pays de destination. Nous retrouvons son laboratoire d'enquête ce matin et la façon dont il confronte les théories au terrain. François Héran va nous montrer comment ce démographe sociologue a été l'un des premiers à démentir un certain nombre d'idées reçues, notamment celle selon laquelle plus on est pauvre, plus on a de chances de migrer. Dans le cours d'aujourd'hui, à partir du laboratoire de Douglas Massé qui observe l'immigration entre le Mexique et les États-Unis, François Héran explique qu'il met à jour un processus dynamique de développement et d'industrialisation qui augmente les salaires et attire la main-d'œuvre féminine dans les usines. C'est ça qui favorise l'immigration. Nous sommes donc très loin, évidemment, de l'image misérabiliste que nous avons souvent de la migration. En résumé, conclut Massé, les forces qui poussent à migrer du Mexique aux États-Unis ne sont pas celles auxquelles pense la majorité des politiques et des citoyens qui abordent le sujet. Alors, quelles sont les méthodes d'observation des migrations sur le terrain? Nous gagnons le Collège de France le 21 février 2019 pour le cours de François Héran « Pourquoi migrer ?» opus 12, aujourd'hui, premier ensemble de conclusions théoriques et pratiques. Voici donc la dernière séance de l'année consacrée au modèle explicatif de la migration. Alors nous avons passé en revue les modèles mis au point par les chercheurs en sciences économiques et sociales, essentiellement depuis les années 60, des modèles les plus individuels aux plus structurels, des plus micro aux plus macro, en allant de l'économie néoclassique à la sociologie des réseaux, de l'anthropologie de la famille à la socio-économie du travail. Et je me suis efforcé de présenter ces théories de façon aussi objective que possible, en pratiquant une lecture à la fois charitable et critique, c'est-à-dire qui respecte la logique des auteurs, mais sans s'y laisser prendre, sans nécessairement s'y laisser prendre. Et si vous m'avez attentivement suivi, vous aurez observé que mes critiques portaient moins sur les modèles eux-mêmes que sur la façon dont certains auteurs critiquaient les modèles concurrents pour en faire des repoussoirs un peu commodes ou au contraire, ou inversement, capter le vocabulaire de théories prestigieuses pour se donner un surcroît de respectabilité théorique. Et mes propos prenaient donc souvent la forme d'une critique de la critique. Cela dit, qu'il s'agisse des migrations ou de tout autre phénomène, la première critique qu'il convient d'adresser à un modèle explicatif n'est pas d'ordre théorique, mais d'ordre empirique. La preuve de touche, c'est l'épreuve du terrain. Comment tous ces modèles passent-ils l'épreuve du terrain ? Dans quelle mesure parviennent-ils à rendre compte de l'émergence réelle des mouvements migratoires, c'est-à-dire de la fréquence, de la destination et des départs, mais aussi des retours et des nouveaux départs. Le terrain peut se limiter à une sélection d'observations locales permettant d'effectuer des comparaisons significatives. Il peut aussi s'étendre à la planète entière, on va effectuer des comparaisons significatives. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir tester la capacité d'une théorie à prédire l'ampleur et l'orientation des flux migratoires entre pays. Quelle que soit l'échelle prise en compte, toute théorie doit être testée. La critique d'une théorie ne peut pas se limiter à exhumer ses présupposés idéologiques, comme on le fait trop souvent, sous peine de verser elle-même dans la critique idéologique. On ne peut pas non plus se contenter de discréditer ses auteurs ou ses utilisateurs. Pour prendre un exemple, il ne suffit pas pour se débarrasser d'une théorie, de la taxer de néolibérale, ou inversement de néo-marxiste, ou de révéler qu'elle a séduit la Banque mondiale, ou qu'elle a séduit l'OCDE. Si vous voulez réfuter une théorie en bonne et due forme, eh bien, vous n'avez qu'une solution, il faut retrousser vos manches, il faut faire mieux. C'est-à-dire bâtir un contre-modèle qui prédise mieux que les modèles précédents les différences de comportement observées dans la réalité. Bâtir un modèle détenant un pouvoir descriptif et explicatif supérieur, ça peut se faire de bien des manières. Alors je ne vais pas entrer dans les questions de méthode, je les aborderai quand même un petit peu, ce sera peut-être un des cours les plus ennuyeux de toute la série. Mais enfin, je dirais simplement que ces méthodes doivent intégrer deux contraintes majeures. Un, la migration n'est pas un état, c'est un processus. On peut en saisir les ressorts en se contentant de comparer des taux d'émigration à l'instant T entre deux populations. Et deuxièmement, la migration n'est pas universelle, elle est sélective. On a vu qu'elle était parfois très sélective, comme dans le cas de l'Afrique subsaharienne. Et cela ressort bien du fait que les migrants constituent d'ailleurs simplement une mince minorité de la population mondiale et tendent à se concentrer sur certains couloirs, nous l'avons vu. Une méthode de vérification empirique des théories qui ignorerait ces contraintes ne serait pas crédible. Et si vous proclamez, par exemple, que la migration est le produit d'un système monde qui exploite la périphérie depuis le centre, ben, il vous reste encore à expliquer pourquoi les populations périphériques ne sont pas plus nombreuses à migrer vers le centre. La même objection s'applique à la thèse opposée, selon laquelle la décision individuelle de migrer serait le fruit d'un calcul coût-bénéfice prenant en compte les écarts de gains. Pourquoi, dans ce cas, les individus ne sont-ils pas plus nombreux à fuir la misère de leur pays pour gagner des pays plus prospères ? Et si l'on pose comme principe de raison suffisante que l'intérêt mène le monde, eh bien, il faut être capable d'expliquer pourquoi l'intérêt bien compris peut conduire à ne pas migrer. Le temps est donc venu, dans cette dernière séance, de tenir les promesses que j'ai multipliées au fil des semaines. J'ai souvent fait des annonces en disant que plus tard, j'allais parler d'eux. Je vous en ai annoncé en particulier que je vous expliquerai un jour de quelle façon Douglas Massey, le sociodémographe américain, dont les écrits m'ont servi cette année de fil directeur, s'est efforcé de tester les principales théories des migrations. Il ne s'est pas contenté de les passer en revue dans un rapport collectif qui a fait date, il a pris la peine de les mettre à l'épreuve sur les données de son observatoire des migrations mexicaines, le Mexican Migration Project. Et je rappelle que cet exemple, qui peut nous paraître un peu lointain, est quand même fondamental, parce que le couloir qui va du Mexique aux États-Unis, ce couloir migratoire, est de très loin, je vous l'avais dit, le plus important au monde. Il y a 11-12 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis. Le second couloir, c'est seulement quelques millions. Donc, il y a quand même une valeur démonstratrice importante qui peut être attachée à cet exemple, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'y attarde. Alors, nous allons voir comment il s'y est pris, et à la suite de quoi, je tiens quand même à vous le dire, nous allons quitter les Amériques pour revenir en Europe et en Afrique, et voir ce que donne l'application de la méthode Massé par ses disciples français, en tout cas les chercheurs, qui se sont inspirés de lui, car il y a eu des chercheurs, et il y a toujours des chercheurs qui s'inspirent de sa méthode. J'imagine votre frustration si vous deviez sortir de cette série annuelle de cours en ayant simplement parcouru le couloir qui relie le Mexique aux États-Unis. Bon, c'est quand même intéressant, hein, c'est ce fameux couloir que Trump essaie de murer par tous les moyens. Je vais me référer ici au long article co-signé en 1997, vous voyez, c'est déjà un peu ancien, par Douglas Massé et sa collaboratrice en analyse des données, Christine Espinoza, dans l'American Journal of Sociology. What's driving Mexico-US migration? A theoretical, empirical and policy analysis. Qu'est-ce qui pousse à migrer du Mexique aux États-Unis? Analyse théorique, empirique et de politique publique. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le traduire. Alors, l'intitulé de l'article fait allusion à la politique migratoire des États-Unis qui, à l'époque, prétendait réduire l'immigration clandestine qui avait repris son cours après la grande régularisation décidée sous Reagan en 86. Les Américains ne parlent pas de régularisation, ils disent amnistie. C'est le terme qu'ils utilisent pour la régularisation, puisque l'illégalité est un crime, ça le sent. Eh bien, la grande régularisation, la grande amnistie de 86, n'a pas relancé très fortement la migration clandestine, ça c'est un point qui a été très étudié, mais n'a pas empêché qu'elle reprenne son cours. Et le Congrès, assure Massé, s'était inspiré de la théorie néoclassique. Il était convaincu que la décision de migrer dépendait uniquement d'un calcul coût-bénéfice que faisaient les migrants, et qu'au fond, pour décourager les migrants, la meilleure façon c'était de renchérir le coût de la migration. Dans ces conditions, dit Massé, tester la théorie néoclassique, bien, c'est évaluer du même coup la politique migratoire de l'époque, d'où le troisième terme qui est dans le sous-titre de son article, Policy Analysis. Les données exploitées dans l'enquête évoquée par l'article, ont été recueillies entre 1987 et 1992 dans 25 communes rurales ou quartiers ouvriers. Alors, il utilise le terme de community, c'est à la fois des communes, des pueblos, mais c'est aussi des quartiers dans des villes industrielles. Une partie de cette zone est industrialisée. Et tout ceci se situe dans ce qu'on appelle l'Occident mexicain, El Occidente Mexicano, dans les États qui sont situés à l'ouest et au nord-ouest de Mexico. Donc, position relativement centrale. Une aire qui est en fait connue pour être le foyer historique le plus intense de la migration mexicaine vers les États-Unis. Ensuite, ça s'est diffusé dans d'autres États. Je rappelle que le Mexique, c'est un État fédéral. Hein. C'est les États-Unis du Mexique, c'est ça l'appellation officielle du pays. Alors, le taux de sondage est assez variable d'un lieu à l'autre, d'une localité à l'autre. Il varie de 3 à 80% selon la taille de la communauté. Et au total, 4850 foyers ont été interrogés à ce stade. Le projet a continué de se développer dans les décennies suivantes et a grossi. À cette époque-là, il est dans sa phase de croissance. Et ça représente, après extrapolation des échantillons, une population de 2,3 millions de personnes. Le fichier analysé réunit les histoires de vie des chefs de ménage depuis l'âge de 15 ans, enregistrées dans une chronologie annuelle, ainsi que toute une série de données sur le conjoint et les enfants, y compris, évidemment c'est important pour le sujet, ceux qui ont quitté le foyer. Le tout est enrichi par des données communal et par des données régionales. Donc il y a ce qu'on appelle des niveaux, c'est du multiniveau. Il y a plusieurs niveaux d'analyse individuels, collectifs, à différentes échelles administratives et géographiques. Et ça, c'est comme ça qu'on pratique maintenant de plus en plus, hein, le multiniveau. Au total, chaque personne est décrite année après année par une quarantaine de données individuelles, familiales et contextuelles. Et l'objectif est de savoir, et ça, le but précis techniquement, est de savoir dans quelle mesure les caractéristiques enregistrées une année donnée permettent de prédire une migration l'année suivante, en T plus 1, comme disent les chercheurs. La technique utilisée est ce qu'on appelle en statistique un modèle de durée. adossée à une régression logite multinomiale qui opère toutes choses égales par ailleurs. En anglais, Discrete Time Logistic Model. C'est quatre petits mots qui résument la densité méthodologique du procédé. Il ne s'agit pas seulement de calculer comment évoluent au cours du temps les probabilités de migrer, mais de peser séparément le poids de chaque facteur qui peut modifier la probabilité de migrer. Chaque facteur a un poids, un coefficient, il pèse sur la décision de migrer, et on peut, grâce à cette technique, moyennant certaines hypothèses, on peut donc neutraliser les autres facteurs pour isoler son poids spécifique. Prenons par exemple deux personnes de même âge, elles ont toutes les deux 18 ans, elles ont le même niveau d'instruction, elles ont autant d'années d'expérience professionnelle, elles sont l'une et l'autre employées comme ouvriers dans l'usine locale de la commune, enfin, elles sont l'une et l'autre propriétaires d'une exploitation agricole, elles ont chacune un frère ou une sœur déjà établi aux États-Unis, ils vivent dans une commune de même taille, etc., etc. Donc vous pouvez statistiquement égaliser toutes les conditions de ces personnes et donc en fait les neutraliser, parce que la question que vous allez vous poser maintenant, c'est est-ce que le fait que l'une soit célibataire et l'autre mariée va faire une différence dans les probabilités, dans les chances respectives de migrer l'année suivante, et dans quelle proportion, avec quelle intensité. Voilà, le modèle permet normalement de mesurer, de peser séparément l'effet propre de chaque variable. Est-ce que cet effet sera positif ou négatif? Et puis aussi, est-ce qu'il sera significatif ou non? Il peut être intense sans être significatif, ça c'est la subtilité du travail des statisticiens. Et le modèle est logique parce qu'il repose sur l'hypothèse d'une loi logistique. De façon intuitive et sans entrer dans les détails, ça veut dire que, au fond, et ça, il faut le savoir quand on fait de la science sociale, la probabilité d'adopter un comportement donné, c'est la résultante d'une série de facteurs explicatifs, X1, X2, X3, etc., qui sont encore appelés les prédicteurs, et qui ont chacun leur propre poids, leur propre coefficient, alpha, bêta, gamma, etc. Et ce sont ces coefficients qu'il faut calculer. Le modèle sous-jacent est celui d'un comportement dont la probabilité suivrait la trajectoire d'une courbe logistique. Alors en fait, on en connaît très bien de ces courbes dans la vie quotidienne, je vous en donnerai des exemples. Au début, la pression exercée par les facteurs est faible, vous voyez, la pente décolle très lentement, mais à mesure que les facteurs s'accumulent, eh bien, leur poids devient significatif, la pression s'accroît et la probabilité d'adopter le comportement, plutôt que de ne pas l'adopter, eh bien, cette probabilité progresse fortement. Et dans une dernière phase, la saturation est atteinte, on a beau ajouter des facteurs supplémentaires, leur effet devient faible ou insignifiant. Et le modèle le plus performant n'est pas celui qui multiplie les facteurs pour expliquer un comportement, c'est celui qui identifiera les facteurs les plus agissants, qui peuvent être en relativement petit nombre. La courbe logistique est connue par ailleurs comme étant le modèle qui traduit le mieux la diffusion progressive d'un comportement au sein d'une collectivité, qu'il s'agisse d'un équipement électroménager, la diffusion du frigidaire au lendemain de la guerre, la diffusion du téléphone portable actuellement, des tablettes, etc. Tout ça suit un comportement, une courbe logistique qui est typique des courbes de diffusion. Plus ça se fait, jusqu'à ce que le marché soit saturé et qu'on ne puisse plus conquérir de clientèle supplémentaire. Bon, ce sont des analogies que j'utilise là, mais elles nous aident à comprendre que les modèles logistiques ne considèrent pas l'individu, comme je le dis parfois, comme un atome isolé, n'est-ce pas, au sein du monde social, isolé par rapport au monde social, mais comme le siège, l'individu est le siège d'un affrontement entre des forces de nature très diverses, dont les unes sont héritées du passé, d'autres acquises au fil du temps, d'autres liées au contexte économique, social, culturel, etc. L'unité d'analyse est certes l'individu, mais les variables qui se disputent en quelque sorte le mérite de la prise de décision qu'il va prendre, de sa prise de décision, eh bien, ces variables sont évidemment des variables sociales. Même si on travaille individu par individu, on a maintenant des fichiers individuels, comme on dit. L'âge lui-même est une mesure de notre ancienneté dans la société, ou du potentiel qu'on peut encore acquérir à l'avenir. Le sexe renvoie largement au traitement que la société réserve à la différence biologique, etc. Donc l'intérêt des modèles logistiques est double. Ils ont d'abord une vertu explicative et pas seulement descriptive. Et en cela, il se distingue nettement des tableaux statistiques croisés de notre jeunesse ou des analyses dites aujourd'hui géométriques, comme celles que Bourdieu avait commandées à ses collaborateurs pour illustrer la distinction, son grand livre « La distinction », technique qui consiste à projeter l'espace des comportements sur l'espace social ou l'inverse, l'espace social sur l'espace des comportements, et sans qu'il soit vraiment possible de démêler dans cette cartographie les facteurs qui pèsent le plus dans ce système de force, et laissant au lecteur le soin de les interpréter un peu intuitivement. Alors le second atout majeur des modèles de régression logistique, c'est leur capacité à intégrer dans un même modèle ce que les démographes autrefois ne pouvaient pas faire, mais que maintenant ils peuvent faire grâce à ces modèles, d'intégrer dans un même modèle des facteurs de nature extrêmement variée. Et donc de faire du pluridisciplinaire, d'intégrer des variables d'origine venant de disciplines très différentes, de niveaux très différents, c'est-à-dire des variables démographiques, sociales, économiques, culturelles, politiques, etc., qui sont en fait tous des indicateurs sociaux au sens large du terme. Et ainsi, ça facilite évidemment une tâche essentielle de l'analyse sociologique, qui est de comprendre à quel facteur, à quelle variation du contexte les individus sont sensibles, et pas simplement de cartographier les catégories d'acteurs ou les types de comportements. Et en ce sens très précis, la régression logistique sous ses diverses variantes, y compris celles qui introduisent une forte dimension temporelle, comme ce sera le cas, répond à l'impératif de l'individualisme méthodologique exposé en son temps par Raymond Boudon, sans pour autant verser dans l'individualisme tout court. Ça ne coupe pas l'individu du reste de la société, c'est pas du tout ça. Et c'est bien un complexe de facteurs sociaux qui sont ainsi confrontés et sous-pesés pour chaque individu. Voilà. Alors je passe sur le fait que certaines de ces variables peuvent également interagir, ne pas simplement s'additionner ou se soustraire, mais ça nous entraînerait tout loin. Alors, fort de ces techniques de décomposition, Massé et sa collègue Espinoza l'appliquent à la probabilité d'un premier départ. Un premier départ pour les États-Unis, sans faire de différence entre les voyages de simple prospection et l'installation durable. À ce stade, ça n'est pas différencié. Mais il subdivise le modèle selon que le départ s'est effectué avec ou sans titre de séjour. Ça, c'est intéressant quand on fait, évidemment, on observe la migration au lieu de départ, c'est qu'on peut étudier la migration clandestine, comme on dit. Et à l'époque étudiée, fin des années 80, début des années 90, seul 5% des migrants mexicains étaient déjà munis d'un titre de séjour au moment de franchir la frontière. Tous les autres franchissaient la frontière de façon clandestine, mais la plupart du temps avec un visa de touriste qu'ils dépassaient ensuite, overstay, pour se mettre à travailler, et à ce moment-là, ils entraient seulement en situation illégale. Alors, ayant identifié une quarantaine de variables explicatives, Massé et Espinoza vont les ordonner en grandes catégories que je vais énumérer maintenant en précisant à chaque fois leur contenu, et vous constaterez qu'elles couvrent donc un large éventail de déterminants. Il y a d'abord un premier panneau, il y a la démographie et la structure du ménage, l'âge, l'état matrimonial, la charge de famille. Il y a le capital humain des personnes, donc là je reprends les formulations, les classifications de Douglas Massé, et qu'y a-t-il dans ce capital humain ? Il y a l'expérience professionnelle, il y a la durée, la scolarité, fondamentale. Il y a ensuite le capital social, et là, vous vous souvenez de toute la longue discussion que nous avons eue dans les dernières séances, ce que Douglas Massé appelle le capital social, c'est en fait simplement avoir de la famille aux États-Unis, ça peut être le père ou la mère, et il se trouve qu'en moyenne, dans l'échantillon, dans 18% des cas, les gens ont déjà le père ou la mère aux États-Unis, et dans 35% des cas, ce qui est énorme, déjà un frère ou une sœur. Alors, évidemment, on comprend tout de suite que ça va peser énormément dans les décisions de migrer, et c'est pas très étonnant. On se trouve dans une des zones du Mexique les plus intenses en émigration, la zone historique, le foyer historique de l'émigration vers les États-Unis, ce qui pose un problème évidemment pour la représentativité de l'enquête, et ça tout de suite on le perçoit. Et puis est rangé également dans la catégorie du capital social le fait de vivre, donc ça c'est une variable au niveau collectif, de vivre dans un village ou dans un quartier ayant déjà beaucoup migré. Et en moyenne, 12% de la population dans les localités incluses dans l'échantillon, eh bien 12% déjà ont migré, ce qui est évidemment très, très important. Le capital physique. Le capital physique, c'est simplement la possession d'un patrimoine, et ce patrimoine peut être possédé sous forme de terre, de maison ou de commerce. Massé explore assez en détail tout l'environnement, tout le contexte, il y a l'infrastructure communale, par exemple, la présence d'une école professionnelle qui peut-être peut fixer sur place les personnes, ou au contraire, leur donner des qualifications qui pourraient valoriser à l'étranger. On ne sait pas à l'avance quel sera l'impact d'une telle donnée. Il y a la présence d'une agence bancaire, mais enfin, 90% des villages en avaient une, mais ça, c'est le problème de la restriction de l'accès au crédit, qui est une variable importante dans les théories de la migration. La présence d'une route asphaltée, eh bien, il y avait déjà 90% des routes qui l'étaient. Ensuite, une description du marché du travail local, qui décrit l'importance, enfin l'ampleur de l'inégalité des revenus, la proportion de travailleurs indépendants, la part d'emploi féminin dans les usines locales. Il y a déjà un certain nombre d'usines dont je vous en parlerai, qui emploient des femmes. Et enfin, une donnée importante, la structure agraire, la distribution de la terre. Quelle est d'abord la part de l'emploi agricole? Se trouve-t-on dans une commune vraiment très rurale? Quelle est la part des terres cultivables? Ça, c'est une mesure de la qualité des terres, parce qu'on est dans des zones où l'aridité peut être assez forte. Et est-ce qu'il y a des terres communales auxquelles les paysans peuvent avoir accès s'ils ne sont pas propriétaires? Donc, vous voyez, ça va assez loin dans la description locale. Et ensuite, il étend l'analyse des indicateurs à un niveau encore plus large, puisqu'il va donner des indications sur la conjoncture économique et financière. Je rappelle qu'il s'agit de prédire la migration de l'année prochaine à partir des données de cette année. Donc, s'il y a eu une dévaluation du peso dans l'année, eh bien, il y a une partie des gens qui vont peut-être réviser leur projet migratoire ou au contraire en développer un parce que l'écart des salaires nets va augmenter entre les deux pays, entre les États-Unis et le Mexique. Et il y a eu à ce moment-là, pendant la période étudiée, une grosse dévaluation de plus de 20%. Le taux d'inflation au Mexique était vraiment très fort à l'époque et il y avait également une croissance des investissements étrangers dans la zone. Et ensuite, l'évolution de l'économie américaine. Est-ce que l'emploi est en train de croître aux États-Unis? Il n'a pas pu regarder ça dans les zones où les migrants allaient s'installer, et le taux d'intérêt réel aux États-Unis, donc tout ceci pour mesurer des écarts éventuels entre pays. Et ça n'est pas fini, puisqu'il y a une quarantaine de variables en tout. Il y a des indications sur la politique migratoire des États-Unis, il y a des quotas de visas par continent, et on pouvait calculer à l'époque que, en gros, le nombre de visas auxquels les Mexicains pouvaient avoir droit à cette époque-là, ça représentait seulement 9% de leurs demandes. Donc c'était quelque chose d'extrêmement sélectif. Il ne faut pas s'étonner qu'une telle restriction sur les visas ait déclenché la création d'une population sans papier d'une telle intensité. La probabilité d'être appréhendé à la frontière, parce que là, il y a un budget fédéral, et donc régulièrement, on publie, n'est-ce pas, ce que coûtent les arrestations de migrants à la frontière. Et Massé a, à de nombreuses reprises, publié l'évolution de cette courbe au fil du temps, et ça n'a cessé de monter. Il y a les sanctions contre les employeurs de main-d'œuvre clandestine. On peut penser que c'est un élément de dissuasion sur la décision de migrer. Et puis, une variable qui est un peu différente, est-ce qu'un membre du foyer a déjà été régularisé? Est-ce qu'il y a dans le ménage, dans la famille, quelqu'un qui a bénéficié de la fameuse régularisation de l'époque de 1986 sous Reagan? Et enfin, il s'intéresse, parce qu'il veut répondre à une obsession du Congrès américain, régulièrement c'est la fameuse crainte du tourisme social, comme disent les Britanniques, est-ce que les Mexicains ne veulent pas migrer aux États-Unis uniquement parce qu'ils convoitent les ressources de la protection sociale, certaines formes d'assistance publique, de soins médicaux, l'accès à la scolarisation, en fait, ce sont des montants extrêmement faibles, c'est quelques dizaines de dollars par année ou par mois selon les services, enfin, ça n'a rien à voir avec les quantifications qu'on pourrait faire dans un pays comme la France. Bon, alors, allons à l'essentiel. De tous ces facteurs, quels sont les plus déterminants dans la décision de faire un premier voyage aux États-Unis sans titre de séjour, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas? Chaque facteur ayant son propre découpage, dans ce modèle multinomial, il a sa propre échelle, les coefficients en fait ne sont pas directement utilisables. Et il faut les normaliser pour les rendre comparables. Et c'est ce que font Massé et Spinoza. Massé a toujours su s'entourer de techniciens de grande valeur. Et en gros, la technique consiste à dire, bien voilà, on va comparer les probabilités d'immigrer entre les 5% de la population les mieux dotés sur un facteur donné et les 5% les moins dotés. Par exemple, on va comparer la propension à immigrer des 5% les plus éduqués avec les 5% les moins éduqués, ou les 5% les mieux payés avec les 5% les moins bien payés. Donc on va un peu creuser l'écart entre les extrêmes et voir si le fait d'appartenir aux 5 centiles inférieurs plutôt qu'aux 5 centiles supérieurs, est-ce que ça fait une différence forte dans la probabilité de migrer l'année suivante. Vous voyez la logique. Et du coup, on peut comparer ainsi les effets d'un facteur à l'autre. Et il s'avère que les effets les plus forts, en gros, une probabilité de migrer qui est multipliée par 2 quand on passe d'un extrême à l'autre, sont associés aux variables suivantes. Il y a la migration antérieure du père ou de la mère ou d'un membre de la fratrie, ainsi que la part de la population locale ayant déjà migré. Et donc ça, c'est l'effet de la filière familiale, interprété par les auteurs, comme nous l'avons vu dans les séances précédentes, comme un effet massif du capital social. Enfin, c'est simplement la filière familiale qui suit son cours. Il y a, deuxièmement, le fait d'appartenir à une communauté agricole, mais ayant un accès restreint au crédit. Et ça, c'est mesuré par les taux d'intérêt réels. Et cet effet, Massé le souligne, va dans le sens de la nouvelle théorie économique des migrations. La théorie échafaudée par Odette Stark, qui voit dans la migration une assurance contre les aléas économiques affectant les exploitations agricoles ou le petit commerce. Et puis, troisièmement, l'appartenance à une communauté locale qui bénéficie d'un contexte économique relativement favorable, et non pas l'inverse, avec une proportion importante de salariés qui touchent au moins le double du salaire minimum et une proportion importante de femmes employées dans les usines locales. Donc, cela conforte la théorie selon laquelle c'est la considération du revenu relatif, c'est le développement rapide d'une économie émergente qui incite à migrer et nullement la persistance de la pauvreté. Qu'en est-il alors des autres facteurs dans la conclusion de Massé? Parce que finalement, il y en a 5-6 qui ressortent par rapport au 41. Que reste-t-il par exemple de la théorie néoclassique? Lorsque, comme le fait Massé, à mon avis un peu abusivement, lorsque on la restreint à son noyau, c'est-à-dire au calcul coût-bénéfice de la migration en fonction des espérances de gain défalqué du coût du transport, du coût des obstacles intermédiaires. Il ne reste plus rien. On aurait pu s'attendre à ce que les écarts de salaire jouent un rôle décisif dans la décision de migrer. Car ces écarts sont considérables. Le salaire moyen dans cette partie du Mexique était, lors de l'enquête, 14 fois inférieur à celui des salaires que les migrants disaient espérer aux États-Unis. Alors, Massé a fait des contrôles sur place, etc., donc c'est un écart considérable. Alors évidemment, ça explique que cette zone migre beaucoup vers les États-Unis, mais ça n'explique pas pourquoi certains migrent et d'autres pas. C'est-à-dire que ce que évidemment le modèle essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, toutes choses égales par ailleurs, les salariés les moins payés, situés dans les 5% inférieurs, ne migrent pas davantage que les mieux payés, ceux des 5% supérieurs. C'est même plutôt l'inverse. Leur probabilité de migrer est légèrement moindre. Et la dévaluation du peso, qui va encore creuser le différentiel des salaires entre origine et destination, n'a pas relancé la mobilité, car en fait, d'autres facteurs jouent, à commencer par la perpétuation des filières, qui est devenue indépendante de la conjoncture économique et financière. Et ça, c'est un peu ce qui se passe toujours dans les pays de vieille immigration dont nous faisons partie. Le Collège de France et France Culture vous présente le démographe sociologue François Héran, Pourquoi migrer ? Massé était ainsi l'un des premiers auteurs à démentir, à partir de données d'observation, l'idée reçue selon laquelle plus on est pauvre, plus on a de chances de migrer, plus on a de pression pour la migration. Eh bien, c'est faux à l'échelle individuelle, c'est faux à l'échelle des communautés locales, villages ou quartiers, et c'est faux à l'échelle régionale, parce que les foyers historiques de l'immigration au Mexique, à savoir l'État du Jalisco, l'État de Michoacán, où se réalise le concentre essentiel de l'enquête à l'ouest du Mexico, n'étaient pas les États les plus pauvres du pays, loin de là. L'État de Sonora, au nord, par exemple, est beaucoup plus pauvre que le Michoacán. Massé et Espinoza démentent également l'idée très ancrée dans le débat public américain selon laquelle la propension des Mexicains à émigrer serait liée au montant des aides sociales ou des aides médicales dispensées aux États-Unis. Ces aides, en réalité, je l'ai déjà dit, sont très réduites, et leur variation dans le temps ou dans l'espace, ça peut varier aussi localement, selon les communes, il y a tout un... Eh bien, est sans effet sur la probabilité d'émigrer. Voilà donc pour l'explication de la première migration. Les auteurs modélisent également la probabilité d'une nouvelle migration, après une phase de retour. Et là, le résultat n'est pas surprenant. Les facteurs les plus prédictifs sont, grosso modo, les mêmes que ceux qui expliquent la migration initiale, mais s'y ajoutent deux autres types de facteurs. D'abord, le fait que le conjoint, et pas seulement le père ou la mère ou l'un des frères et sœurs, le conjoint réside déjà ou encore aux États-Unis, ce qui permet à Massé de conclure abusivement, à mon sens, que le capital social joue un rôle clé dans la deuxième migration. Ensuite, le nombre de voyages effectués antérieurement, ainsi que les années d'expérience déjà accumulées à l'étranger, que Massé interprète, là encore, de façon assez excessive à mon avis, comme un effet puissant du capital humain, cette fois, et non plus du capital social, capital humain dans sa composante expérience professionnelle acquise sur le tas, on the job, qui est une des composantes du capital humain, avec l'éducation et d'autres composantes. Alors évidemment, ce sont autant d'éléments qui attestent la tendance de la migration à s'auto-entretenir, à se perpétuer, y compris sous la forme d'une mobilité circulaire entre les deux pays. Enfin, tout ça frise un peu la tautologie, au fond. Pourquoi migre-t-on à nouveau ? Parce qu'on a déjà migré. Pourquoi part-on chercher du travail ailleurs ? Parce qu'on y a déjà travaillé. Là, on atteint vraiment les limites de la modélisation. Alors, je vais arrêter là cet examen du cas de l'article de Massé. Il serait fastidieux, il serait oisé d'examiner un à un les résultats très riches, longuement commentés, qui ont été accumulés par le Mexican Migration Project. Ce qui ressort, c'est que le différentiel des salaires entre l'aire de départ et l'aire de destination, eh bien, ne suffit pas à expliquer pourquoi les uns migrent et les autres pas. Les variations de la petite protection sociale offerte par les États-Unis ne l'expliquent pas davantage. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas le sous-développement qui pousse à migrer, poursuit Massé, je le cite, « c'est un processus dynamique de développement et d'industrialisation qui augmente les salaires et attire la main-d'œuvre féminine dans les usines ». C'est ça qui favorise l'émigration, donc très loin évidemment de l'image misérabiliste que nous avons souvent de la migration. En résumé, conclut Massé et Espinoza, les forces qui poussent à migrer du Mexique aux États-Unis ne sont pas celles auxquelles pense la majorité des politiques et des citoyens qui abordent le sujet. Fin de citation. À ce point de sa démonstration, Massé tente d'éclairer ses résultats à la double lumière de la théorie de la migration assurance, développée par Odette Stark dans le cadre de la nouvelle économie des migrations, et de la théorie structurelle du système monde, ou de sa forme première, celle de la dualité des marchés du travail, qui avait été, vous en souvenez peut-être, exposée par Michael Piore à la fin des années 70, au MIT. Massé insiste sur le fait que le développement industriel auquel cette région est soumise perturbe les structures sociales des aires d'origine. Ce développement engendre une incertitude que les ménages, faute d'un accès suffisant aux mécanismes d'assurance et de crédit, tente de réduire en recourant à la migration. Voilà l'explication que donne Massé. On a un peu du mal à comprendre ce que c'est que cette incertitude qui est créée par le développement local et la création d'emplois locaux. On pourrait penser que le fait d'attirer des emplois sur place, industriels, serait plutôt une bonne chose et ne développerait pas l'incertitude, mais au contraire, une certaine satisfaction. Et Massé, en fait, a du mal, me semble-t-il, à valider empiriquement la théorie dualiste, la théorie de la bifurcation des marchés du travail. Il ne cache pas d'ailleurs sa surprise, voire sa déception, de constater que la croissance des investissements étrangers dans la région, plus précisément dans les communes de résidence, par exemple l'achat de terres par des sociétés étrangères, le land grab, ne contribue aucunement à intensifier les migrations. Ce qui joue en fait dans ce sens, ce qui développe les migrations, c'est le début d'industrialisation des campagnes, de ces campagnes relativement proches de Mexico, avec le recrutement d'une main-d'œuvre masculine mais aussi féminine. Massé n'explique pas en quoi cette modernisation des campagnes traduirait un phénomène de déstructuration, en quelque sorte organisé par les économies industrielles. Il mentionne, à titre d'exemple, les usines qu'il a rencontrées sur le terrain, une fromagerie industrielle, une fabrique de décoration de Noël, une usine de jouets. Bon, l'essor de ces implantations signifie-t-il que le capitalisme international s'active à déstructurer les sociétés locales et que la migration serait une réponse aux incertitudes ainsi créées? On pourrait dire, mais telle n'est pas la conclusion de Massé, que la familiarisation récente avec le travail industriel, pour les premières générations, qui n'avaient jamais connu ce genre d'activité auparavant, que cette familiarisation récente, eh bien, oui, facilite l'émigration vers d'autres implantations industrielles situées à l'étranger. Il s'agirait au fond d'une formation de capital humain sur le tas, on the job, qui serait transportable à l'étranger. Mais il serait prématuré d'en conclure que ces observations valident les théories de Michael Piori sur la segmentation du marché comme ressort fondamental des migrations, et encore moins celle de Saskia Sassen, dont j'ai parlé il y a deux ou trois séances, qui impute cet effet à l'exploitation destructrice de la périphérie par le centre au sein du système monde. Vous vous souvenez de cette théorie. Et Massé, lui-même, en toute honnêteté, après avoir expliquer un peu à quel point il était tenté, il était séduit par cette explication et déçu par l'impossibilité de la tenir, reconnaît, dit explicitement, que son dispositif d'enquête ne fournit qu'une validation partielle et équivoque, equivocal support, de la théorie des systèmes mondiaux. Alors on peut toujours dire, et je ne manquerai pas de le dire moi-même, que évidemment ce test des théories de la migration sur le terrain du Mexican Project a des limites, qu'il est incomplet pour diverses raisons, qu'il n'est peut-être pas généralisable, etc. Mais enfin, avant de jouer les inspecteurs des travaux finis, ce que j'ai déjà fait pas mal pendant ce cours, ce qui est toujours facile, je voudrais quand même saluer l'ampleur colossale de l'entreprise de recherche menée par Massé. Évidemment, elle a bénéficié des moyens financiers et humains des grandes universités américaines. La carrière de Massé, c'est Philadelphie, Chicago, Princeton. Et surtout, des subventions de longue durée accordées par les agences publiques de recherche américaines. Il a eu au cœur de son projet, pour son développement, lorsqu'il était dans la phase ascensionnelle de sa courbe logistique, si j'ose dire, il a reçu une subvention qui devait durer 10 années pendant lesquelles il a pu développer son projet d'observatoire dans des proportions vraiment importantes. La réussite de cet observatoire doit aussi beaucoup à l'intérêt personnel de Massé pour le monde hispanique. Ce n'est pas évident pour quelqu'un d'installer dans les universités du nord des États-Unis d'avoir son terrain en permanence au Mexique. Et il lui a fallu pour cela, alors il était excellent hispanophone, il a suivi dans sa jeunesse estudiantine des cours de littérature espagnole, et on lui doit aussi, je vous le recommande, un livre superbe sur les retablos. Les tablos, ce n'est pas des retables, ce sont des plaques d'étain, des ex-voto, que les Mexicains peignent pour remercier la Vierge, les saints, enfin, d'avoir échappé miraculeusement à la maladie, à une catastrophe, à un accident, etc. Et Massé, avec son complice Georges Durand de l'Université de Guadalajara, a recueilli et collectionné, lui-même un collectionneur, de ces tablos qui concernent les migrations. C'est des migrants qui, ayant franchi toutes sortes d'obstacles, et notamment la frontière, remercient la Vierge de les avoir secourus dans ce moment difficile. Donc, autant d'éléments, évidemment, qui font que ce projet mexicain est vraiment sans équivalent. Des enquêtes comparables ont été menées par la suite dans d'autres continents, dont la belle enquête MAFE, Migration entre l'Afrique et l'Europe, pilotée à l'INED par Chris Bushman. Mais ces projets sont tous inspirés du modèle bâti par Massé et Durand. Et du reste, c'est à la suite d'un séjour prolongé à Princeton que Chris Bushman a conçu l'enquête MAFE. J'étais directeur de l'INED, on avait recruté ce jeune chercheur. Il m'a demandé, mais est-ce que je peux passer 6 mois à Princeton pour m'enquérir auprès de Douglas Massé des méthodes d'enquête, tout en étant payé par l'INED? Je lui ai dit oui, évidemment. Aller chez Douglas Massé pour se former aux techniques d'enquête les plus modernes, bien sûr. Enfin, ça aurait été incroyable de ne pas accéder à une telle demande. Eh bien, c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. Le Mexican Migration Project est un projet binational. Ça, c'est important aussi. Dès l'origine, Massé s'est allié à Jorge Guillermo Durand, professeur de sociologie à l'Université de Guadalajara, et qui est donc la capitale du Jalisco. Et tout a commencé au début des années 80, quand les deux hommes, donc, en quête de données sur les migrations mexicaines, eurent l'idée de mobiliser des étudiants en maîtrise de l'université, pour réaliser des entretiens dans 3 aires relativement proches de l'État du Jalisco, au centre-ouest donc du Mexique, sur la côte du Pacifique, ainsi qu'une 4e localité un peu plus bas dans l'État voisin du Michoacán. Alors, j'agrandis un peu, ce n'est pas d'une grande netteté, mais vous voyez, Mexico est en bas à droite, le district fédéral du Mexico, et là vous avez Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán et Aguascalientes, voilà, qui sont les États dans lesquels Massé et Durand ont commencé à travailler. Pourquoi cette partie du pays? Bien parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'Occident mexicain, c'est le foyer historique de l'immigration mexicaine. Plus de la moitié des migrants mexicains qui gagnaient les États-Unis dans les années 80 venaient de l'État du Jalisco et de l'État de Michoacán. Par la suite, mais par la suite seulement, la propension à émigrer va s'étendre jusqu'aux États mexicains plus proches de la frontière états-unienne et alors déclencher toute cette polémique de la part de l'économiste Jorge Borjas, parce que cette nouvelle migration venant de zones plus pauvres n'avait pas le même niveau de qualification que les générations précédentes. Mais ça, on en reparlera l'année prochaine. En 1982, donc, le projet en est seulement à ses débuts. Massé et Durand organisent une enquête pilote dans les 4 localités du foyer historique. Ils la complètent quelques mois plus tard en menant des entretiens aux États-Unis, dans des villes qui sont situées à l'autre bout de la chaîne migratoire. Et dès 1987, il publie, avec 2 autres chercheurs, un livre qui va beaucoup attirer l'attention, « Return to Aztlan, a social process of international migration from Western Mexico ». Et ce livre va beaucoup attirer l'attention. C'est celui qui va permettre à l'Observatoire de décrocher une subvention de 10 ans pour pouvoir étendre considérablement le nombre des aires d'enquête en ajoutant chaque année 4 à 5 localités rurales ou aires urbaines. Donc le système s'est étendu comme ça progressivement. Alors la méthode est quand même très particulière et elle mérite quand même qu'on s'arrête un petit peu. Je vous ennuie avec ces questions de méthode, mais c'est important, je pense, que quand on travaille sur l'immigration, on se demande toujours, mais d'où le sait-on? Quelles sont les méthodes d'observation? On n'a pas dans le système d'enquête américain, aux frontières, etc., un dispositif d'observation permettant de savoir ce qui se passe dans les pays d'origine. On aimerait bien, en ce moment, savoir ce qui se passe en Albanie, en Géorgie, pourquoi il y a tellement de gens qui viennent de ces pays-là pour demander l'asile chez nous. On ne le sait pas vraiment. Il faut avoir des chercheurs dans les pays d'origine. Que se passe-t-il dans la Corne de l'Afrique, etc.? Donc l'idée d'avoir des observatoires dans les pays d'origine, c'est extrêmement important, et Return to Aztlán a été un des premiers grands livres qui remplissait, satisfaisait cette curiosité sur comment ça se passe dans les zones de départ. Voilà, alors ils ont appelé leur méthode, et ça c'est le génie américain de coller des étiquettes sur toute nouveauté ou tout concept ou toute méthode un peu nouvelle, ils ont appelé ça ethno-survey, l'ethno-enquête, ethno-enquesta. L'idée de base, c'est qu'on ne peut pas appréhender le phénomène migratoire par une méthode strictement quantitative ou strictement qualitative. Les deux approches, disent Mincet et ses collègues, sont forcément incomplètes. Il faut en réalité les combiner pour, alors c'est assez optimiste, pour corriger les défauts de l'une par les qualités de l'autre. Je vois des statisticiens dans la salle qui froncent le sourcil. Disons que cette correction réciproque n'est pas automatique, elle nécessitera une vigilance particulière, et les chercheurs qui tenteront par la suite, y compris en France, en Afrique, dans d'autres pays européens, qui tenteront de reproduire la méthode mixte de l'observatoire de Mincet dans des observatoires équivalents, vont découvrir à leurs dépens que cette méthode est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Concrètement, l'ethno-enquête consiste à échantillonner des aires urbaines et des aires rurales, entre 100 et 2000 ménages selon la taille de l'agglomération. Et l'échantillonnage, précise Mincet, est aléatoire, mais il est réalisé selon une méthode ethnographique. Alors Mincet a été souvent questionné sur ce point. Il a même publié quelques années après un article qui valide après coup et de façon assez convaincante la représentativité de l'échantillon, parce qu'à cette époque-là, il avait déjà élargi son échantillon de vastes zones du Mexique et démontré que son échantillon était à l'image du profil du Mexique en général. Voilà. Quelles sont les données recueillies par cet observatoire ? Bien, on en a déjà eu une idée. Hein. Il y a des données individuelles statiques, le sexe, l'âge, l'état civil, le niveau d'éducation, l'emploi, le statut d'activité, la position dans le système agraire local. Et puis ensuite, il y a des données individuelles dynamiques qui sont captées par le biais d'un questionnaire biographique. Et Mincet est un des premiers à utiliser systématiquement des questionnaires biographiques. On remonte jusqu'à la 15e année de l'individu, on lui fait raconter, au fond, de façon systématique, sa biographie résidentielle, familiale, professionnelle, etc. Il y a même des données de santé qui ont été rajoutées dans les périodes plus récentes. Et ça permet de repérer, de dater systématiquement les moments tournants, les turning points, les jalons décisifs de l'existence. Et il faut pour cela des techniques statistiques spéciales hein, pour mettre en correspondance les différents calendriers et voir s'il y a des corrélations entre ces calendriers. Ce n'est pas une technique simple. Au sein de chaque ménage, Mincet interrogeait une personne qui servait d'informateur pour les autres membres du ménage, y compris sur la situation des absents, des migrants qui sont absents. Et il s'est arrangé notamment pour qu'une bonne partie de ces enquêtes se fasse pendant la période de Noël, parce que c'est la période où un très grand nombre de migrants revenaient pendant les vacances et pouvaient être interrogés. Mais évidemment, on n'a pas ceux qui ont coupé définitivement les liens avec leur famille. Voilà, alors il y a... Le questionnaire n'est pas aussi standardisé et ordonné que ceux administrés par un organisme national de statistique. Ils se partagent entre, si vous voulez, des figures imposées et des figures libres, ou semi-libres. Les figures imposées, c'est la description des membres du ménage, c'est des absents comme des présents, c'est recueillir des données de base sur chaque membre. Puis après, il faut évoquer la première et la dernière migration déjà effectuée aux États-Unis, l'itinéraire emprunté, les intermédiaires auxquels on a eu recours, le montant des remises envoyées à la famille. Vous voyez, il faut tout ça, le statut de la migration, légal ou pas. Et puis, bien sûr, redécrire aussi les conditions dans lesquelles on a franchi la frontière. Pour cette partie de l'entretien, l'enquêteur a été entraîné à suivre un canevas général tout en gardant une certaine latitude pour improviser des questions en fonction des éléments nouveaux que lui apporte son interlocuteur, d'où le label d'ethno-enquête revendiqué par Mincet et ses collègues. Alors ça m'a rappelé les origines de l'enquête en France, ça commence pendant la guerre, vous savez, Jean Stutzel qui a fondé l'Institut Gallup en 1937, après avoir fait un stage chez Gallup aux États-Unis, il va fonder l'IFOP avant la guerre. Et à cette époque-là, la situation d'enquête L'enquêteur qui vient vous interroger sur toute une série de choses, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, comme disaient les sociologues, de définition sociale pour cette situation. Et donc les consignes qui étaient données aux enquêteurs, et c'était le cas aux toutes premières enquêtes de l'INED à la fin des années 40, c'était « ne montrez surtout pas le questionnaire et votre stylo », engagez la conversation comme si de rien n'était avec la personne, veillez à aborder tous les points du questionnaire. Alors, c'était quand même des questionnaires assez courts qui, en général, tenaient sur un recto verso. Hein. Et puis, sitôt l'entretien terminé, vite, notez les réponses. C'était, en réalité, une technique de renseignement généraux. Très vite, ça a disparu. Et en fait, on a suivi le modèle de Gallup. Parce que quand on regarde toute l'histoire de l'Institut Gallup aux États-Unis, qui est d'ailleurs un peu plus ancienne, Gallup faisait toujours en sorte que dans les journaux locaux américains, il y ait la photo de l'enquêteur sur le seuil de la porte discutant avec la ménagère pour inscrire ainsi dans les cerveaux la définition sociale de l'entretien par questionnaire, n'est-ce pas, qui n'existait pas avant, parce qu'un inconnu qui vient vous voir pour vous poser des questions sur vos opinions politiques, ça n'existait pas. Il faut bien s'imaginer la nouveauté de la chose. Et donc, peu à peu, on a expliqué aux gens que, finalement, la pilule passait, c'était pas douloureux, et c'était même amusant de décrire ses opinions de toutes sortes à un inconnu. Bon, après, ça c'est un peu compliqué, mais il faut dire que les questionnaires, en général, maintenant, durent plutôt une heure que 7 minutes. Quoi. Bon, voilà. Alors, un des points forts du système d'enquête basé sur les lieux de départ, c'est qu'évidemment, je l'ai déjà dit, il inclut la migration sans papier, il inclut la migration indocumentada, comme disent les Mexicains. Elle donne donc aussi des informations sur la migration circulaire. Alors, il y a deux défis. J'ai passé une partie importante de ma vie à faire des enquêtes et à enseigner l'art du questionnaire à l'ENSAE, l'école de statistique de l'INSEE, pendant peut-être une douzaine d'années. Donc voilà, je suis désolé, ça m'intéresse, mais enfin, si j'arrive à vous intéresser à votre tour, j'aurai rempli ma mission. Il y a deux défis. Le premier, ça consiste à énoncer les questions de recherche qui porteront le projet du questionnaire. On ne lance pas une enquête à l'aveuglette juste pour voir, juste pour satisfaire une curiosité du moment. Il faut se demander en amont, d'abord, si la meilleure façon de répondre aux questions de recherche est bien une enquête. S'il n'y a pas d'autres sources disponibles, d'autres méthodes. Si on ne pourrait pas puiser dans des sources administratives ou réeffectuer un rapprochement astucieux de données d'enquête qui existent déjà, enfin bon, parce que ça coûte cher quand même cette affaire. Et quelle que soit la voie envisagée, y compris l'observation anthropologique, y compris la campagne d'entretien avec des experts ou des responsables, l'exploitation d'archives, la relecture de la littérature existante, enfin, quelle que soit, ou la modélisation, l'impératif demeure de ne pas se lancer dans un vaste programme de collecte de données sans s'être posé au préalable quelques questions de recherche. Alors, ça paraît tout bête ce que je dis là, mais enfin, je connais beaucoup d'enquêtes qui n'ont pas vraiment démarré avec ce genre de choses, et il semble que beaucoup de sondages ne soient pas réellement précédés d'une intense réflexion de ce genre. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de François Héran, Pourquoi migrer ? Aujourd'hui, premier ensemble de conclusions théoriques et pratiques. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons en compagnie de François Héran sa série Pourquoi migrer ? Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.